Thank you. Bonsoir, pardon. Ça fait plaisir de jouer à la maison. En plus, on voit que vous êtes venus nombreux. chanson est dédicacée aux Good Old Days. Ce groupe-là, c'est des potes qu'on connaît depuis maintenant une dizaine d'années, donc ils font vraiment partie de la famille. C'est comme si c'était des cousins ou des frérots, j'en sais trop rien. Presque, presque. Et plus tard, je parlerai un peu des minuscules. Hey, mais ça, c'est pour plus tard. Merci. La prochaine chanson s'appelle Sundays. Elle va bientôt débuter. Bientôt, le batteur va donner le rythme. Puis on va commencer à jouer. Et là, la chanson va commencer. Thank you. Merci beaucoup. La prochaine chanson est une chanson d'amour. Pour tous ceux qui s'aiment et tous ceux qui se détestent. Thank you. no wall. This way I'm okay when I'm on my own. This way I see there is no wall. Merci beaucoup. Yeah. I wish that. Merci beaucoup les copains. La prochaine chanson est une chanson qu'on a écrite il y a fort longtemps. Qu'on a écrite il y a fort longtemps. Il y a fort longtemps, nous avons donc écrit cette chanson. C'était le temps où on jouait dans les prisons aux États-Unis dans les années 60. Bah, à l'époque, on était un petit groupe. Hein. On n'avait pas autant de fans. Thank you. Merci beaucoup, le Krakatoa. Malheureusement, est venu le temps du dernier morceau. Donc avant de le jouer, avant de commencer à le jouer, on voulait vraiment tous vous remercier d'être venus parce que... C'est un truc de ouf. Vraiment, merci. Et on voulait remercier particulièrement les Good Old Days, nos amis de longue date, ainsi que les minuscules A. Voilà. Merci à vous tous, merci au Krakatoa, merci à Michel, merci Marco. Merci tout le monde, à bientôt! As nice as I can. See, I'm probably gonna jump.